Auditeurs et auditrices de Radio Gémozo 107 FM. Vous nous suivez également sur notre lien internet et sur Orange Radio. Un coucou à nos amis Facebook. Vous êtes avec Gilou et Lia dans les années bonheur. Nous sommes le jeudi 7 mars, il est 16h. On vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h. Alors bonjour le Québec, il est 10h. Une belle journée et des bisous à ma petite équipe. Cette semaine sur nos ondes, dans les années bonheur, le Québec est à l'honneur. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne sont à l'écoute. Bonjour la France, bonjour Lia. Bonjour Gilou. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi? Écoute, ça va bien, malgré ce temps triste, mais. Oui, c'est vrai. Ça va. Merci le printemps. Merci le printemps. On n'aurait pas dû faire l'émission la semaine dernière. C'est ça, il est fâché. Salut Chris, je l'ai vu, Chris il est par là, hein, voilà, un petit coucou. Alors, donc si vous aimez la chanson country, musique country, vous êtes sur la bonne fréquence, hein. Cette semaine, donc deux émissions, deux interviews par téléphone en direct avec le Québec. Ce jeudi, je reçois un artiste, Daniel Dan, et samedi prochain, le 9 avril à 15h, je recevrai une artiste, Manon Grenier. Soyons nombreux à l'écoute pour ces beaux voyages musicaux. Alors, pour vos messages, c'est comme à l'accoutumée, sur nos pages Facebook respectives, Radio Gémozo et Gilles Mougel officiel. Je retrouve maintenant Daniel. Bonjour Daniel. Allô Gilles, ça va bien? Merci beaucoup, une très belle introduction mon ami. Ah merci, allô Dan, tu vas bien? Oui, ça va super bien. Oui, c'est cool, et puis on s'entend bien là, ça marche bien. Oui, oui, le son est très bien maintenant. Ah ben d'accord, c'est super. Donc tu vas bien Dan? C'est la forme? Oui, ça va bien, oui, ouais, oui. Ben, disons que je te dis que ça va super bien même, parce que ce week-end j'ai eu un spectacle avec mes musiciens, puis on a fait ça le compte, donc... D'accord. Ouais. On s'est couché très très tard, on est encore sur le high, comme on dit, sur Québec. D'accord. Ah ben c'est bien, alors ça reprend les concerts, les spectacles aussi, un petit peu comme chez nous, je pense, hein, ça va mieux. Ouais, ça reprend, mais on a toujours crainte, hein, parce qu'il y a beaucoup de spectacles ici qui sont annulés à la dernière minute. Le matin, tu te lèves, puis... Et soit l'un des musiciens ou soit le chanteur principal. D'accord, ouais. Ou la chanteuse a pogné la Corée, donc ça doit être annulé, hein, ça doit être remis, fait que. Bien sûr, ouais, ouais. C'est comme pas 100% encore. Oh, ça va revenir. Alors, Daniel, écoute, bienvenue sur les ondes de Radio Gémozo, hein, en France. Ben, merci à vous de me recevoir, Colin. Ben, c'est écoute avec. J'aimerais remercier Lynn Massé, par exemple, parce que Lynn Massé, là, c'est elle qui a fait les premiers pas avec moi, là, puis je sais que c'est une personne importante chez vous. Voilà, c'est donc, je la remercie du fond du cœur d'avoir passé. D'accord, ben, Lynn est à l'écoute. Et elle te passe le bonjour. Oui. OK. Merci. Je l'avais eu un petit peu avant l'émission. Donc, oui, c'est vrai que Lynn nous a mis en relation, hein, donc, avec toi, Dan, hein, bien sûr, pour cette émission. Oui. Et bien sûr, voilà. Donc, elle fait partie de notre petite équipe, Lynn. La petite équipe, Gilles Mougel officielle. Tu vois. Voilà. Donc voilà, c'est passé. Alors moi, je voudrais faire un petit coucou, un petit bonjour aussi à ton épouse Sylvie, c'est bien ça? Oui, hein? Exact, oui. D'ailleurs Sylvie, voilà, oui. D'accord, on lui fait un petit bonjour. Hein. Elle te retourne l'appareil. Pardon? Elle vous retourne l'appareil à toute l'équipe. D'accord, merci. Voilà, voilà Daniel. Donc ben c'est plaisir de t'avoir avec nous cet après-midi, hein, sur les ondes de Radio Gémozo. Et puis ben voilà, depuis le Québec en direct, c'est super, c'est cool. Ah oui, c'est super. La technologie aujourd'hui, hein, c'est extraordinaire. Ah oui, c'est vrai qu'on fait des belles choses maintenant, hein. C'est chouette, hein. C'est vrai que. Oui. Depuis nos lointains pays, et ça fait plaisir de recevoir, chez nous, enfin, voilà, par téléphone, ben, nos cousins, québécois, hein, comme on dit. Oui. Peut-être un jour qu'on se verra en personne, parce que c'est un endroit où j'aurais aimé un jour aller faire des spectacles en Europe, en France, en Belgique. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, oui. Et tu sais que moi j'aimerais bien. On connaît pas l'avenir, mais ça serait le fun. Ouais, tu sais que nous on aimerait bien venir aussi dans votre beau pays. Ah ben n'importe où. Donc, je suis avec Lia, Lia qui est avec nous, qui est à la technique, à la régie son. Bonjour Dan. Bonjour Lia. Bonjour. Ça va bien? Ah ben oui, ça va très bien. Merci, je suis très bien accompagnée. Ça ne peut que bien aller. Tu vois qu'elle a une belle voix, Lia. Merci. Ouais, voix d'animatrice. Ben, ah oui, bien sûr. C'est mieux. C'est l'équipe, tu vois, c'est la complicité, l'amitié et tout, ouais, ça fonctionne bien. Ah oui. Hein, voilà, Dan, donc on va revenir un petit peu sur ta bio. Voilà, hein, oui. Donc voilà, et puis bien sûr, on va diffuser quelques chansons de ton album Laissez-moi vivre ma vie. Hein, voilà. Donc tu es natif de la grande région de Québec, et où tu as passé toute ton enfance, hein, là-bas. Oui. C'est bien ça, ouais. Et oui, c'est ça, oui. Ouais. Mon père était militaire et on vivait sur la base militaire à Québec. Ok, ok. Et puis donc, à l'âge de 17 ans, tu déménages dans la région de Montréal. Oui. Pour les études. Non, parce que mon père avait quitté l'armée, la base militaire. Ah d'accord, ok, oui. Question de santé, donc on est allé rejoindre la famille de mes parents, de mon père, ma mère qui était de Montréal, donc on a retourné dans leur coin natal, je te dirais. D'accord, ok, oui, oui. Alors tu as bien sûr travaillé aussi bien sûr avant de d'arriver dans le domaine musical, hein, voilà. Tu as été militaire aussi toi? Non, Dan, t'as fait? Non, pas moi, non. Non, t'as pas été militaire. T'as pas suivi le papa. Traces, non. Non. Oui, moi j'étais dans le monde des affaires, dans la business qu'on appelle, pendant 20 ans. D'accord. Et en 2006, je me suis fait voler 4 millions de dollars. Ouais. Canadien. Ah d'accord. Et du jour au lendemain, j'avais plus d'emploi, j'avais plus rien, donc j'ai acheté une guitare pour me changer les idées et oublier la perte de tout ça, puis la vie est faite qu'aujourd'hui je gagne ma vie comme chanteur. D'accord. Aujourd'hui tu vis de ton métier, enfin je veux dire comme chanteur, tu vis de ton métier. Oui. D'accord. Ah, c'est très, exact. C'est très bien. C'est très bien. Parce que c'est vrai, bon, bah après, c'est pas toujours évident pour tout le monde, hein, mais c'est vrai que il y a des artistes, hein, qui travaillent, qui ont leur travail, puis qui font leur carrière aussi d'artiste à côté, hein, je dirais. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, beaucoup ici, oui. Bien sûr, oui. Et donc, c'est en 2010, hein, je lis, donc, à ton arrivée à Drummondville, que tu prends des leçons de guitare. Oui. Voilà, et ça commence comme ça, Dan, voilà. À peu près, oui. Ben, j'avais acheté la guitare en 2006. Oui. C'est-à-dire 2006, c'est ça. Et je jouais pour le fun un petit peu, pour essayer de pas penser à ce que j'avais perdu. Bien sûr. Et au lieu d'acheter un fusil, j'avais acheté une guitare. Écoute, donc, je mettais toute mon... Il valait mieux acheter une guitare. Hein. Oui, hein. Hein, Dan? Il valait mieux acheter une guitare qu'un fusil, hein. Oui. Ah ouais, c'est sûr. Donc, je mettais mes énergies sur la guitare pour apprendre des accords et tout ça. Puis, oui. À un moment donné, j'ai rencontré un homme qui a fait un gros changement dans ma vie. Ici au Québec, on a une grande famille de musiciens qui s'appelle la famille Pessette. Oui. Et j'ai rencontré le drummer, le batteur de cette famille-là qui s'appelle Michel Labbé. Et qui m'a amené dans des soirées country. D'accord. Qui m'a amené dans des soirées d'amateurs. Et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Tu me parlais de Michel Labbé, c'est ça tu m'as dit, hein? Oui. Oui. Est-ce que c'est un lien de parenté avec la chanteuse Véronique Labbé? Non, pas du tout. Pas du tout, non, d'accord. Du tout. Ok, d'accord. Non, pas du tout. D'accord. Ouais. Donc c'était une belle rencontre là, donc dans tes débuts, quoi, je pense, hein. Oui. Exact. On suivait des cours de guitare ensemble, ouais, puis on d'accord. a développé une amitié, puis ils m'ont amené dans des soirées country. D'accord. Ok. Alors, avant de continuer, Dan, si tu veux, on va écouter une première chanson. Ouais. Mm-hmm. Hein, on va écouter. Alors, on va écouter. Ben écoute, le titre éponyme de ton album, hein, Laissez-moi vivre ma vie. Ouais, mais tu sais que ça, c'est une chanson sur la maladie de l'Alzheimer que j'ai écrit. Hein. Oui, bien sûr, j'avais lu sur ton communiqué de presse, hein, que tu m'avais envoyé. Oui, j'avais bien regardé. Puis bon, voilà, j'avais regardé aussi le clip que tu as fait sur YouTube. Hein, voilà. Okay. Donc on écoute Dan et on se retrouve après. Oui. Merci. D'accord. À tout de suite. Merci à toi. Laissez-moi vivre ma vie. de jour. Tout rayonne dans ma tête. Le jour vient où l'on vieillit. On n'a plus de souvenirs. On en perd même ses aptitudes. Car dans ma tête, tout se bouscule. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre comme je l'entends. Le matin au lever du jour, tout rayonne dans ma tête. Passé. Je me demande ce qu'il se passe. Car tout bourdonne dans ma tête. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre comme je l'entends. Le matin au lever du jour. Je me réveille un beau matin dans une chambre toute blanche et personne à mes côtés pour me serrer dans ses bras. Laissez-moi vivre ma vie. Je l'entends. Le matin au lever du jour, tout rayonne dans ma tête. Le matin au lever du jour, tout rayonne dans ma tête. Dan, on vient d'écouter « Laissez-moi vivre ma vie ». Oui. Oui, c'est une belle mélodie. Alors après, c'est vrai, comme tu disais, c'est une chanson contre la maladie d'Alzheimer. Oui. Ouais, mais voilà, c'est une chanson triste, mais tu en as fait une chanson un petit peu naturelle et joyeuse, un petit peu de par la mélodie, je trouve. Oui, oui. C'est ça. Mais c'est ça que je voulais faire quand j'ai écrit cette chanson-là. Oui. Mmh. Je voulais que les gens comprennent que les gens qui souffrent de cette maladie-là aujourd'hui, oui. C'est pas l'Alzheimer à 100%, c'est l'Alzheimer à 1, 2, 3, 5%. Et plus ça va, plus cette maladie-là devient importante. Donc, en attendant que ces gens-là n'aient plus de souvenirs, ben, ils veulent vivre quand même en attendant. C'est pour ça que j'ai fait ce qu'on appelle up tempo, c'est-à-dire une musique qui bouge un peu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Je dirais, moi, la première fois que je l'ai écouté, parce qu'on a, tu sais qu'on a déjà diffusé deux de tes chansons dans mes émissions coup de cœur. Oui, wow. Hein, parce qu'à part les interviews, j'ai des émissions aussi coup de cœur, tu vois. Puis on avait fait une spéciale chanson du Québec et donc on avait passé deux de tes chansons, dont celle-ci. Et puis, Ouais, et puis donc aussi on avait passé le Cowboy des grandes villes. Ça c'était de ton précédent, un des précédents albums, tu vois. Exact, c'est voilà. Mon deuxième album. C'était ton deuxième album, mais là c'est ton troisième album là. Hein, mon troisième album, effectivement. Avec des beaux titres, on va en écouter encore quelques-uns, bien sûr. Alors, je t'en prie. c'est tout le plaisir. Donc tu as fait aussi voilà, tu nous as parlé de tes cours de guitare, tout ça, et ensuite donc tu fais plusieurs émissions de radio. Et puis ouais. Avant de produire un premier album. Ouais, ben disons que je fais ce qu'on appelle ici des soirées d'amateurs, c'est que je me présente un peu partout. D'accord. Ouais. Là où il y a de la musique, puis je chante pour le plaisir. Je ne pense pas faire une carrière à l'époque. D'accord. Je chante pour le plaisir. Puis pour le plaisir. Bon, le temps que je fais. Ouais, exact. Mmh. Et la vie a fait que j'ai fait un premier CD en 2012. Oui. En 2015, un deuxième. Et tout dernièrement, le 31 mars, l'année dernière, j'ai fait 2021. Le troisième, laissez-moi vivre ma vie. D'accord, ouais. Ok, oui, oui. Je vais te demander, Dan, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Des artistes qui t'ont inspiré un petit peu? Oui, je te dirais que oui, mais après ma barre, moi, je suis une personne qui aimait beaucoup le blues, le jazz. Oui. J'ai pas pensé que tu me poses cette question-là, mais j'ai rencontré quelqu'un qui vient de la France il y a quelques années. Oui. Qui faisait du blues, un jeune homme que c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment bon. J'ai complètement oublié son nom. Si bon, j'aurais dû vérifier puis te le dire en nom. Mais c'est quelqu'un qui venait de par chez vous, qui avait fait un festival ici. Ah d'accord, ok. Et à part ça, ben, je te dirais principalement des country américains, des Mulhager, des Hank Williams, toutes des chanteurs country américains. D'accord. Et quand j'ai commencé à chanter dans les festivals, les gens me disaient « Ah Dan, tu devrais commencer à chanter des chansons en français, vu qu'on est au Québec, les gens écoutent la chanson en français. » Et j'ai commencé à... Et sur mes albums, j'ai environ entre 9 et 10 chansons en français, entre 2 et 3 chansons en anglais sur mes albums. Quand même, je veux garder le sens de la musique country qui vient du côté américain. Oui, d'accord. Donc, c'est pareil sur ton tout dernier album. Il y a deux chansons aussi en... country américain, quoi, en anglais. Voilà, en anglais. En anglais, ouais. Mais c'est I Need More of You, c'est les Bellamy Brothers qui font ça. Je sais pas si c'est connu en Europe. Ah, si, oui, oui. Des artistes sont très, très, très connus. Mm-hmm. Oui. Principalement, c'est ça. Tu parlais des Platters, non? Bellamy Brothers. Ah, d'accord, ok. Les frères Bellamy. Ah oui, ok, non, voilà, écoute, ça me parle pas. Mais voilà, c'est... Oui, donc... Des chansons en anglais. Il y a aussi, mais c'est bien de faire des chansons country aussi, donc, comme tu fais, toi, Dan, en français. C'est bien aussi, hein? Oui. C'est vrai, c'est super aussi. Oui, je fais les deux. Moi, je fais anglais et français. D'accord. Mais moi, j'ai entendu dire que la country en Europe est beaucoup plus anglophone. Est-ce que c'est vrai? Oh, ben écoute, non, on entend quand même pas mal de country français, enfin, oui, ça passe aussi bien sûr en chanson anglaise, mais moi j'ai plus, je connais plus le country français en fait, après bon. Ok. Ouais. C'est qui les gros noms chez vous, les gros noms français là, qui font de la country française chez vous? Enfin, que là, tu me poses une question, Dan, tu me poses une colle. Je vais essayer de réfléchir pour la suite, je te redirai, mais il y a quand même des... Ici, on a des Paul Darèche, on a des Patrick Normand, c'est des gros noms de la musique country ici. D'accord, ouais. Il y a Dick Rivers, enfin c'est un ancien. Dick Rivers, il a fait des chansons un peu country. Effectivement. Ouais. J'allais le dire, c'est un de ceux qui était le plus près du country chez vous. Je connais, moi, en tout cas. D'accord. Il y a aussi, peut-être aussi Eddie Mitchell aussi qui a fait du country. Mitchell, effectivement. Il a quelques chansons country, Eddie Mitchell, hein, aussi. Oui. Ouais, ça me revient un petit peu comme ça. Après une colle. Comment tu dis? Après une colle. Ouais. Quand on pose une question comme ça, inattendue, ici on appelle ça une colle. D'accord, oui. C'était pas tout à fait une colle, c'était plus une information, étant donné que vous êtes... Tu sais, j'ai la chance de parler avec quelqu'un de l'Europe, de la France, qui est dans la musique country, donc je m'informe, hein, j'ai comme... Bien sûr. Comme cette soif de connaissance. Bien sûr, c'est très bien. Alors Dan, si tu veux, on va écouter une deuxième chanson. Oui, avec plaisir. Voilà, puis après on reparle ensemble. Et là, on va écouter donc ce titre « Venez chercher madame ». C'est très dansant aussi, ça. Ouais. C'est très dansant, oui. Ah oui, on écoute. Merci. Les musiciens n'attendent que vous. sont vraiment convaincus que vous avez déjà dansé. Allez monsieur, venez chercher madame, venez danser, elle n'attend que vous. Tous les amis sont déjà sur la piste, les musiciens n'attendent que vous. Venez chercher Madame Dan. Voilà, c'est bien, oui. C'est bien dansant, ça, hein ? Oui, c'est bien dansant, oui. Hein ? Et alors, quand on va chercher Madame, est-ce que la Madame est contente ? c'est une expression un peu non, chez vous, ça, non ? Oui, ben disons que les Madames ici aiment beaucoup danser. Oui. Et les Messieurs aiment beaucoup moins danser. Ah, donc, d'accord. quand les Dames disent, on dit aux Dames. Monsieur, allez chercher madame pour danser. Là, oui. Elles sont gênées un petit peu. Ah, d'accord, OK. Elles seraient un petit peu timides, les dames chez vous, non? Ouais. Ben, plus les hommes. Les ah, hommes plus les hommes, d'accord. Ah, OK. Ouais, elles sont timides d'aller danser. Ouais, OK. OK. Alors, j'ai la secrétaire de ma petite équipe qui m'a envoyé, elle m'a envoyé un petit lien pour rechercher un petit peu, tu sais, quelques artistes qui chantent du country. Alors. Tu m'as parlé tout à l'heure de, je crois que tu en as parlé de Alan Carter, c'est ça? Alan Carter. Tu connais? Non. Ah, tu veux dire des chanteurs country de chez vous? Oui. Enfin, j'ai une petite liste. Alan Carter. Ouais. Alan Carter, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Greg Stowall. OK. C'est un artiste musicien, un chanteur français. Ouais. OK. Ouais. Il y a des noms anglophones quand même, hein? Oui. Et puis, encore, ce que je vois encore, ben, là, c'est une, il y a des Rocking Chairs, mais bon, je sais pas s'ils sont très connus. C'est plus dans la région, tu sais, dans notre région de Paris, là, à Paris, tu vois, c'est plus, voilà. Oui. Voilà. Bon, voilà. Donc, si tu veux, quelques noms, je sais pas. Il y avait aussi Marie-Lou. Bon, c'est en trio ou en quartet. Je vais demander à Lynn qu'elle m'envoie les noms, puis j'irai voir ça sur YouTube. Oui, parce que les gens peuvent écouter mes chansons aussi sur YouTube, hein. Tu savais ça? Bien sûr, c'est très bien, oui. DanielDan.ca, ils peuvent aller écouter mes chansons sur YouTube. Ils peuvent aller sur mon site web aussi. D'accord, oui. Donc, Non, mais c'est très bien. Sans problème, oui. OK. Alors, j'ai quelques petits messages. Dan. Dan, non, mais j'ai mis un peu Dan. Moi, c'est Gilou, hein. Gilou, OK. Ouais, c'est Gilou, voilà. Alors, j'ai une... Okay. C'est donc Lynn qui me fait parvenir ça. Je suis en train de regarder. Donc, c'est Nadine Mons. C'est une dame qui est de... Daniel, natif de la grande région de Québec, nous parlera. Je suis en train de regarder sur mon smartphone, mais je dis peut-être des bêtises. Non, mais je crois qu'il y a une audio. C'est un petit message, en fait. Tu sais, toi, on est écouté un petit peu partout, tu vois, Dan. On est écouté en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Et puis là, bon, c'est une dame qui nous suit de l'Italie. Mais j'essayais de lire. Tu vois, voilà, donc on est écouté. Hein. Tu parles français. Je parle français, oui. Je parle pas l'italien, je parle pas. Non, je parle de les gens de l'Italie. Ah oui, bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr. Oui. Ah, c'est le fun. C'est sympa. Oui. Oui. Oui. Exact. Voilà. Alors, je voulais te dire, Dan. Donc oui, tu nous as parlé donc que tu faisais des festivals, hein, et puis que tu faisais des événements privés, des soupers spectacles. Donc ça, c'était bien sûr avant que tu donc la pandémie. Ah, voilà, avant la pandémie, d'accord. Alors moi, je vais te demander comment tu parce que tu es auteur-compositeur, bien sûr. Ouais. Ouais. Et comment tu composes? Je veux dire, à quel moment tu composes tes chansons, Dan? Ça, c'est pas facile. Moi, je suis du genre, quand j'ai une idée, j'écris ça dans mon téléphone. Je mets un paquet d'idées, je rassemble un paquet d'idées. Puis à un moment donné, j'ai quelque chose qui me vient à l'oreille, un rythme, une mélodie oui. qui me vient à l'oreille. Là, je m'installe, puis j'essaie d'écrire quelque chose. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. Oui. Des fois, il y a des mélodies comme « Laissez-moi vivre ma vie », ça a été assez rapide à écrire. D'accord. Parce que j'avais comme déjà des mots, j'avais déjà une mélodie. Oui. Puis après ça, j'ai mis ça sur papier. Puis, mais il y en a que c'est très, très, très difficile. Moi, c'est pas inné en moi d'écrire des chansons. C'est long à écrire, mais j'essaie de faire le mieux possible avec... Bien sûr. C'est selon aussi... Comme je te... Oui. C'est selon aussi l'inspiration du moment, les choses que tu peux, que tu t'inspires des oui. choses de la vie. Alors bon, bien sûr, sur la chanson Laissez-moi vivre ma vie, donc tu t'es inspiré bien sûr de cette maladie d'Alzheimer. Et sur des ouais, autres chansons. C'est des gens qui m'ont dit tu devrais écrire une chanson sur cette maladie-là. D'accord, ouais. Et j'ai dit, je peux pas écrire, je connais pas cette maladie, je connais pas des gens qui ont cette maladie-là. Et avec le temps, j'ai appris à connaître des gens qui avaient cette maladie-là, comment ils fonctionnaient, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, j'ai mis ça sur papier, puis ça a donné ça. Cette chanson, ouais, d'accord, c'est très bien. Autrement, ouais. Les autres chansons de ton album, est-ce que on pourrait dire que c'est des chansons autobiographiques ou c'est des choses comme ça qui t'ont inspiré? Ouais. Moi, ouais, j'en ai quand même. Tu sais, si on parle de Le Cowboy des grandes villes, c'est pas mal moi. Ça, c'est pas mal ma vie à moi. Tu sais. Ah oui, oui. Je me souviens, oui, de toi. Je suis un cowboy des grandes villes parce que je suis allergique aux chevaux, donc je suis pas un cowboy de campagne. Tu sais, je suis un cowboy des grandes villes. D'accord. Ouais. Mais pas à cheval. Non, mais pas à cheval. Mais pas à cheval. D'accord. Ok, d'accord. Oui. Ouais. Alors, donc cet album, tu l'as sorti en mars 2021. Est-ce que tu l'as écrit pendant la pandémie, voilà, pendant que tout était ouais, à l'arrêt, à peu en près, fait. Presque tout. Presque tout, d'accord. Ouais. Okay, ouais. Ouais. Ouais, comme quoi, la pandémie, c'était quelque chose de très difficile, tout ce qu'on a vécu, hein, bien sûr. Et, mais bon, je dis quelque part, il y avait quand même un petit peu de positif dans cette pandémie, parce que bon, bah, bien sûr, tout s'est arrêté, mais bon, vous, les artistes, je sais pas, même nous, comme on a pu faire autre chose. Enfin, toi, comme bon, tu as pu travailler sur ton album, voilà, avoir le temps de peut-être travailler sur cet album, tout ça. Et bon, ça, c'est quand même positif. Ah ouais, moi j'ai eu des côtés positifs, sincèrement, là. Mmh. J'ai eu des côtés positifs, comme tu dis, j'ai pu écrire un album, j'ai pu le produire, j'ai pu le vendre aussi. Oui. J'avais le temps de parler avec les gens, c'était j'ai eu des bons côtés grâce à la pandémie, tu sais. Bien sûr. Alors, pour ton album, Dan, on peut se le procurer comment, je veux dire, alors, bon, on peut en parler pour les gens qui te suivent au Québec, et puis pourquoi pas parmi nos auditeurs, Québec, nos éditeurs. Les gens peuvent m'appeler. Moi. Au Québec, les gens peuvent m'appeler. Beaucoup de gens m'appellent. Ils ont mon numéro de téléphone. Oui. Il y a également aussi, ils peuvent aller sur... La façon la plus facile, c'est de communiquer avec moi sur mon site web, danieldan.ca pour Canada. Là. Et les gens peuvent me parler à partir de là. Ils peuvent aller sur mon Facebook aussi. Sur le Daniel Facebook, Dan. Oui. D'accord, oui. Ouais. Merci. Donc, c'est assez facile à trouver. D'accord, ouais. Et tes trois albums sont, bon, bah, il y a le tout dernier, enfin, de 2021, mais tes précédents albums sont toujours disponibles. Oui. Hein, sont toujours ouais. disponibles, exact. Parce ouais. que tu as fait le premier album, donc, en 2012, qui s'intitulait Suivre le courant. Oui. Et en 2015, donc, tu sors Le Cowboy des grandes villes. Ça, on avait eu le plaisir de le oui. diffuser dans notre émission. Et puis, bien, donc, ce troisième album, Laissez-moi vivre ma vie. Hein, c'est bien. Exactement. Ah, ouais, ouais. Exactement. Donc c'est là il y a 8 compositions, Dan, sur cet album que tu as faites. Laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie, ouais, c'est ça. Ouais, exact, ouais, exact. Hein, ouais. Donc tu as aussi fait ces chansons pour remercier les aidants naturels pour leur dévouement. Alors je pense que tu parles des personnes des hôpitaux, des personnes voilà qui soignent les gens. Ouais, exact. Les médecins, les infirmières, oui. Effectivement, les hôpitaux, les gens qui aident ces personnes-là, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Hein, bien sûr, oui. Ça remercie aussi ces gens-là. Qui ont été beaucoup, beaucoup toutes présentes hein, pendant ce Covid, hein, cette pandémie dans les hôpitaux ouais. où ils avaient beaucoup, beaucoup, exact. Beaucoup de travail. Hein, qui, voilà, c'est. Et il y a eu beaucoup de chansons. Tu sais, on a reçu quelques artistes, voilà, ici. Hein, donc, ont fait des chansons, tu vois, pour de ce moment-là. Enfin, qui, voilà, des gens qui étaient présents, tout ça, c'était formidable. Il y avait une belle communion aussi, je pense, avec les artistes. Ouais. Qui ont chacun fait au moins une chanson, tu sais, sur leur album, qui parlait du Covid à différentes façons, hein, mais voilà. Quoi, oui. Et pour remercier aussi, comme tu l'as fait, Dan, tout le personnel soignant, quoi, bien sûr. Hein. Ouais. Hein, c'est vrai. Alors, je pense que tu m'as parlé donc que tu avais fait un concert. Hein, tu me redis parce que c'était en début d'émission, puis samedi dernier, d'accord. Le 2 avril, d'accord. Ouais. Ouais. On se demandait jusqu'à la dernière minute si on pourrait produire le spectacle, étant donné la COVID. Le matin, il y avait des gens qui annulaient leur spectacle à cause de la COVID. Donc, ouais, d'accord. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont annulé leur billet oui. pour la COVID, mais en autant que les musiciens et moi, on était en forme, on pouvait le faire. Oui. Mais si un des musiciens avait eu la COVID, mettons, cette journée-là, ben, just too bad, on n'aurait pas pu faire ça. On aurait bien dû sûr, annuler. Oui. Puis moi, je suis producteur, je produis mes spectacles, donc. Oui. C'est quand on annule un spectacle comme ça coûte énormément cher. Ça, bien sûr, oui. Beaucoup d'argent que ça coûte. Bien sûr, oui, je pense, oui. Et tu t'es produit dans quelle ville, enfin, près de chez toi? C'est dans la région de Baie-du-Fèvre. C'est tout près de Nicolette, entre les grandes villes de Drummondville, Sorel et Trois-Rivières. Donc, D'accord. C'est bien. Mais c'est vrai qu'on voyage avec vous, hein? Dan, ouais. On voyage avec vous, voilà. C'est vrai, quoi. C'est super. Non, mais c'est vrai. Oui, hein? Ah bah oui, écoute. Alors moi, je te propose, Dan, si on a écouté une autre chanson. Oui. Alors là, j'ai choisi, pour cette troisième chanson, Monsieur le Barman. OK. Hein? Ça aussi, c'est une histoire basée sur la vérité, parce que... Oui. Ça aussi, parce que moi, vu que j'avais tout perdu, j'aurais pu devenir alcoolique, et la vie a fait autrement, mais j'aurais pu me ramasser dans des bars et tout ça, là, dans le fond. D'accord, oui. Oui, ça t'a inspiré aussi, ça, pour faire cette chanson, Dan, Monsieur le Barman. Et voilà. Voilà, ok. Voilà. On écoute et puis on en reparle après. D'accord. Merci. Merci à toi. Au coin de la rue, j'aperçois ce bar et j'y entre, car je suis si triste. Je ne suis pas le seul d'avoir été trompé par cette vie. Monsieur le barman, donnez-moi un verre pour que je puisse oublier un peu. Cette vie m'avait tant promis. Aujourd'hui, je bois pour oublier. Je je puisse oublier un peu. Un ami, écoute mon histoire et me dis, la vie est si belle. Monsieur le barman, donnez-moi un verre pour que je puisse. Daniel Dan sur les ondes de Radio Gémozo cet après-midi dans les années bonheur. Voilà, on retrouve Dan. Allô. Allô, Dan, tu es toujours là. De retour. De retour avec nous, yes. En France, et puis nous, yes. On est aussi au Québec. Voilà, ça va. Yes. Ouais, c'est bon. Donc voilà, on vient d'écouter Monsieur le Barman, donc une chanson aussi que tu as composée, hein, écrite et composée, Dan. Voilà. Oui. Ouais. Ça aussi, bon, ça t'a été, comment je vais dire, faut boire avec modération. Oui. Faut pas trop forcer, parce qu'après on peut plus jouer de la guitare. Ouais, puis des fois c'est difficile de reculer, mais. Eh oui. Alors il y a une petite phrase que je vais citer, mais tu la connais parce que je l'ai vue sur ta bio, hein, que tu m'as envoyée. Alors tu notes, hein, je te cite, quel bonheur de m'asseoir dans mon studio et d'écouter la version finale de mon album, donc on en a parlé, Laissez-moi vivre ma vie. Après tant d'heures de travail et d'embûches, malgré la pandémie, j'espère qu'il saura vous plaire autant qu'il nous plaît, à Sylvie et moi. Ouais. Voilà. C'est chouette, ça, c'est bien. C'est vraiment bien, tu sais. Ça a pris beaucoup de travail, tu sais, quand même, pour faire cet album-là. Bien sûr. Malgré les embûches, la pandémie. Tu vois, je suis allé la semaine dernière, j'avais un des musiciens qui a joué sur mon album, qui est la personne qui jouait de la basse. Oui. Il joue de la contrebasse aussi, puis il fait du jazz, du blues. Puis, il était dans la région, samedi, jeudi, vendredi, je pense, dernier. Et on est allé le voir en spectacle, puis j'ai dit « Hey, salut, comment ça va? » Hey, il dit, j'ai joué sur ton album, mais moi, j'ai jamais serré la main, tu sais. D'accord, ouais. Ça faisait drôle, tu sais. Bah oui, bien sûr, ouais. De voir ça. Ah oui, puis, tu sais, c'est extraordinaire, ça, tu sais, c'est le fun, ça. Mais que veux-tu, c'était à l'époque, hein, c'était la vie à ce moment-là. Bien sûr, ouais. Alors, tu te produis, bien sûr, avec un. Tu as tes musiciens, Dan. Quand tu te produis, ouais. Ouais. Hein? Oui. D'accord, ok, c'est bien ça. Quand tu produis sur scène, alors je pense que tu vas avoir d'autres concerts aussi prochainement. Ah oui. Hein, tu as d'autres oui. dates que tu voudrais peut-être, je sais pas, annoncer pour que tu voudrais peut-être annoncer comme ça pour ceux qui nous entendent. Ouais. Ouais. Ben je peux peut-être mentionner. Je sais qu'il va en avoir à Trois-Rivières, il va en avoir à Shawinigan. Il y en a un qui a été confirmé à 100% le 5 novembre à Drummondville. Oui. Mm-hmm. Et mais il y a beaucoup de dates là qui sont il reste à confirmer, des endroits où on a visité puis tout là. Oui, bien sûr. Il reste juste à les confirmer. Ouais, ouais. Oui, non, c'est comme chez nous aussi, c'est pareil, hein, tu vois, il y a des artistes aussi qui ont des dates prévues puis des fois ça s'annule, des fois finalement ils peuvent le faire aussi. Voilà, ouais. Donc C'est bon, enfin bon gré, on peut pas dire comme ça, mais bon. Malgré que ça aille un petit peu mieux, cette pandémie, malgré que ça aille un petit peu mieux, mais bon, on sait jamais, hein, ouais, de toute façon. Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'on sait pas, hein, on connaît pas les situations, on sait pas ce qui va arriver. Bien sûr. Il y a un monsieur, je sais pas si tu connais ça, toi, monsieur Rudy Morgan. C'est quelqu'un de votre région, là, je pense qu'il était en... Rudy Morgan. Je sais pas, ça me dit quelque chose, non? C'est un chanteur? Plus country, pas country, mais plus rétro. Oui. Bah écoute, le nom m'est pas inconnu, mais je pourrais pas te dire plus. Ça me parle quand même, mais je sais pas. Non, je pourrais pas te dire plus, Dan, je sais pas. C'est un monsieur qui vit au Québec aujourd'hui, puis il chante la musique des années 50-60, Gilbert Bécaud, etc. Ah oui, d'accord, ok, ouais. C'est un de mes amis. Puis il vient de votre coin, là. Je sais pas si c'est pas de la Belgique ou... Il serait dans le coin là, d'accord. La France, ouais. Ou... Ok, ok. Bah, écoute, je regarderai. C'est vrai? Ouais. Et puis alors, Dan, les productions Daniel Dan. Donc ça c'est toi. Hein, tu te produis. Ouais. Tu es dans la production. Ça c'est ouais. Toi. C'est toi qui te produis comme ça. Tu es. C'est bien. Ouais. Hein? Je produis mes albums. Tes spectacles. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Auteur, compositeur, interprète, producteur. Ouais. Mais tu sais, j'ai été 20 ans dans le monde des affaires, dans le monde de la business. Ah ouais, donc je sais un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Ça te connaît? Bah oui. Ouais, c'est ça, ça me connaît un peu. Ça te connaît un petit peu? Bah oui, c'est bien. Bah, tu vois, c'est vrai que bah, tout ce qu'on peut faire avant, des fois, hein, qu'on a fait avant, tu sais, dans ce domaine-là, il y a des choses qui restent utiles. Hein. C'est vrai que... Mm-hmm. Ah, il y a des choses qui restent utiles, comme toi, la preuve, hein, pour les productions. Donc, voilà, ouais. C'est bien. Et puis, comme ça, s'il y a un problème, tu t'en prends qu'à toi. Et voilà. Puis, quand on fait de l'argent, ben, c'est seulement à moi. Voilà. si tu te disputes, ben, tu te disputes tout seul. Et voilà. Hein, c'est vrai. Ah non, ouais. C'est bien. Ouais, écoute. Alors, Dan, est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Est-ce que tu voudrais... C'est pas mal bien, je te dirais. Oui. C'est pas mal bien, mais c'est pas mal... D'accord, écoute. Pas mal le tour de on a de fait mon petit jardin. Là, puis... De ton petit jardin, d'accord. Ouais. Ouais, tu me parles de jardin, tiens. Quand tu joues pas, quand tu chantes pas, alors tu me réponds si tu veux. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas dans la musique? Ben, enfin, après. Je te dirais notre vie tourne alentour de la musique. Oui, c'est vrai, oui. Les enfants de ma conjointe, puis nos petits-enfants. D'accord. On essaye de les voir le plus possible, mais. Bien sûr, oui. On est vraiment beaucoup occupés. On travaille beaucoup dans le monde de la musique, fait que. Oui, de toute façon. Hein, Ouais, puis pour être toujours, disons, au top, toujours être bien, il faut toujours, être là, présent, chanter, toujours chanter. Enfin, je pense, voilà, pour garder la voix, hein, aussi, toujours travailler. Mm-hmm. La voix, puis toujours être à l'affût aussi des opportunités. Oui. Il faut aller voir des salles de spectacle. Faut. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, on va réécouter une autre chanson, si tu veux, Dan. Au camp avec mes chums. Au camp avec mes chums. Mes chums. Ici, les amis, on appelle ça les chums. Les chums, c'est les amis, hein, les chums. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vois, à la fin, quand je chante, on est ben, les gens dans la salle chantent, quand on est loin, les gens disent, mm-hmm. D'accord, ok. Ben, c'est pas une chanson à répondre, mais les gens répondent quand ça arrive là. D'accord. Alors quand on écoute cette chanson, donc les dames restent à la maison et les hommes vont faire un camp entre amis. J'ai bien compris. T'as bien compris. Ok, super. Ils s'en vont là prendre un coup, prendre de la boisson. Puis, D'accord. Il y a l'IA qui a eu un petit sourire, tu vois. Tu veux dire quelque chose, Yann? Mais c'est fait en blague, hein. C'est pas fait. Ça se fait plus en 2022, ça, de séparer les hommes et les femmes, non? Mais ici, quand on me tourne dans les radios, il y a des radios des amis animateurs qui disent, parce qu'on est, j'ai des amis aussi, des fans, comme une qui s'appelle Lucie. Puis à chaque fois que ce monsieur-là, Denis, tourne cette chanson-là, Denis dit à Lucie, ben là, Lucie, faut que tu restes à la maison, là. Les femmes sont pas les yeux. Puis Lucie, là, ils répondent, oui, ils ont besoin de nous autres pour faire à manger. Puis, oui. Il y a des discussions, ça amène des discussions, puis c'est drôle. D'accord. Ben, il y a de la bonne humeur hein, sur Radio Gémozo, d'accord. C'est bien. Oui. Alors, Dan, on va écouter au camp avec mes chums. C'est bien ça. Yeah, mes chums. Mes chums. Mais je reste pas à la maison. D'accord. On est parti. On est parti, une gang de chums. On a amené du vin pis du rhum. Les femmes sont restées à maison. La mienne chicane de toute façon. une fois par an, c'est pas trop demandant. Avoir la paix de ses enfants. Enfin, le temps est arrivé de prendre le temps de décrocher. On est-tu bien? Les chums sont déjà accordés, les instruments comme la guitare et les violons comme de raison, et puis le vin qui coule à flot. J'en ai déjà un peu gorlot. On prend une bonne bouteille de rhum car nous nous sommes de vrais hommes. Tête entre les deux mains, on prépare notre déjeuner, mais c'est bien dur de l'avaler. Puis on est déjà à penser de refaire ça toutes les années. Ça devrait arriver plus souvent de voir ses chums une fois par an. Voilà, Dan. Au coup, hey, j'ai pas entendu chanter, toi, là, là. Ah, si, si, moi, j'ai fredonné, j'ai fredonné pendant la chanson, Dan. J'ai fait, si, si, j'ai fredonné. Demande à Ali, elle va te dire. C'est bon, ben, ok. Ok. J'attendais pas, mais. Alors, j'ai une petite question pour toi, Dan. Alors, c'est Lynn qui est à l'écoute. Céline. Voilà, c'est une question de Lynn. Hein. Donc, elle demande, est-ce qu'il y a un artiste ou une artiste avec qui tu aimerais faire un duo? Ben, c'est drôle que Lynn demande ça, parce que je cherche des soit une femme ou un homme pour faire un duo avec. Ah oui, tu vois. Et ma conjointe, Sylvie, me disait tout le temps, depuis plusieurs années, tu devrais écrire une chanson et la chanter avec René Martel. Ah oui, René Martel, ici, c'est une grande, grande, grande dame de la musique country. Oui. Mais malheureusement, elle est décédée il y a un an ou deux. Ah oui, j'avais vu donc ça sur Facebook, oui. J'avais vu ça. C'est ça. Donc, je pourrais pas la faire avec elle, mais il y aura peut-être une autre artiste, je veux dire que... Parce qu'il y a quand même pas mal... C'est gros, Drummondville, il y a quand même pas mal d'artistes qui sont de là-bas. Non? Ouais, mais à Drummondville, mais oui. Au Québec, aussi, on a beaucoup d'artistes. D'accord, oui, bien sûr. Au Québec, Nouveau-Brunswick, puis ici, notre Canada, à nous, il est grand en termes de pieds carrés, mais il est bien pas sûr. Grand en termes de population. D'accord. Comparé à l'Europe et tout ça, tu sais. Ah oui, ok, oui. Mais ici, on a quand même beaucoup d'artistes. Oui. Mais je sais pas, je dirais, à pied levé comme ça, je sais pas trop où, mais c'est possible que j'écrive quelque chose. D'accord. Pour faire un duo. Pour faire un duo. Peut-être avec un homme et une femme. C'est beaucoup. Je sais pas trop au Québec, je pense aussi peut-être. Mais tu sais, en France, on a beaucoup d'artistes qui font des albums Et puis ils invitent plusieurs de leurs amis artistes. Et toi, ils font un album. C'est un album de duo, quoi, tu vois. Ils reprennent leurs chansons. Et puis bon, je trouve que c'est pas mal. Hein, c'est ça peut, voilà, ça peut le faire, hein, tout ça. Oui, ah non non, c'est évident que c'est une bonne recette, c'est le fun puis tout. Mais je parce que j'ai pas de nom en tête au moment où on se parle. Il y a tellement des bons artistes. Oui, bien sûr, bien sûr. Au Québec, ouais. C'est pas comme évident, mais je te dis pas de nom. Qu'un jour je ferai pas quelque chose avec d'accord. Avec un artiste que même du Québec ou même de chez vous, on sait jamais. Aujourd'hui, la technologie nous permet. Bien sûr, on peut faire des choses, hein, de pays à d'autres pays. Je veux dire, voilà, avec la technologie. Ouais. Ok, Daniel, écoute, voilà, il est 16h55. Le temps passe toujours vite, hein. Déjà. Eh oui, oui, 16h55. Ça file vite. Ouais. Alors ce que je voulais te dire, Dan, c'est que l'émission repassera donc dimanche à 18h chez nous ici sur la bande FM, bien sûr. L'émission est enregistrée, sera mise en podcast sur nos pages Radio Guémozo et Gilles Mougel officiel. Et comme ça, si tu veux, je te repartagerai sur ton mur, comme ça tous les gens qui voudront écouter, qui n'étaient peut-être pas là. Même chez toi, aux horaires où tu es, puisque là il va être 11h, hein, chez toi, si je me trompe pas. 16h55. Oui. Ouais, 18h le soir ici et 6h plus tard. Donc en fait, ce que je voulais dire, donc l'émission sera enregistrée, puis je la mettrai sur mon mur si tu veux, hein, puis voilà, tu pourras repartager. Tu peux la mettre sur mon mur aussi. Oui, bien sûr. Oui, tu peux la mettre sur mon mur. Je te la repartagerai. Je te la repartagerai sur ton mur, Dan. Gros merci. Alors, attends, on va se dire au revoir, oui. Donc, on va terminer quand même par une de tes chansons. Hein, donc, il s'intitule Jolie Blonde. Donc. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, hein. Dis-nous, je voudrais te remercier pour l'entrevue. C'est super gentil. J'ai apprécié énormément. J'aimerais remercier aussi, Lynn Massé qui nous a permis de se contacter. J'aimerais remercier aussi Lia, qui a pas parlé beaucoup, mais. D'accord. Quand même, merci à toi. Mais peut-être un jour, on se rencontrera toutes les trois. Ça serait sympa, bien sûr. Lynn Massé, on va la voir ici, parce qu'elle n'est pas très très loin d'où je demeure. D'accord. Mais vous autres, un petit peu plus loin, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on ira. On ne sait jamais. Mais moi, je te remercie, Dan, d'avoir été sur nos ondes. C'était un grand plaisir de te recevoir aussi, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire découvrir des chansons, des artistes du Québec, hein, tu sais, que comme chez nous, comme des artistes français qui viennent aussi, francophones qui viennent donc au Québec aussi, que vous connaissez bien aussi. Donc voilà, c'est un réel plaisir et puis de beaux partages sur l'antenne. Ouais, gros merci, puis au plaisir de vous rencontrer, peut-être un de ces quatre. Merci Dan, à très bientôt et on reste en contact, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. On va écouter donc la dernière chanson que j'avais. Jolie Blonde. Oui. Une Jolie Blonde, donc j'aurai... Ah oui. Ça, c'est du rebondissement quand même, on apprécie. Une Jolie Blonde que une belle artiste aussi, une superbe voix. Donc aussi Manon Grenier, que j'aurai le plaisir d'avoir par téléphone, que nous aurons le plaisir d'avoir par téléphone samedi. Donc il y a exceptionnellement un jour exceptionnel, un horaire exceptionnel en direct au Québec à 15h sur les ondes de Radio Guémozo. Voilà, on entendra cette belle artiste. Alors soyez nombreux sur nos ondes, hein. Ne manquez pas ce rendez-vous. Merci Lia. Merci à toi. Comme d'habitude, et puis à très bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye, au revoir, à samedi. joli blanc. Toi, tu me